Et si pour Noël, vous offriez à vos enfants un cadeau exceptionnel, celui qu'ils n'oublieront jamais? Embarquez-les dans une aventure immersive, sans écran, où toute la magie se passe par échange de courriers. Une enquête en cavale. Comment? En répondant à des énigmes livrées dans leur boîte aux lettres. Vos enfants deviennent alors les héros d'une grande enquête merveilleuse qui dure plusieurs mois. À Noël, surprenez vos enfants en leur offrant une enquête en cavale. Une expérience inédite, 100% fabriquée en France, disponible de 7 à 12 ans. À découvrir sur en-cavale.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la bleuite, l'épidémie du soupçon qui a décimé le FLN algérien. En 1957, voilà 3 ans que le FLN mène une campagne d'attentat pour faire entendre ses revendications d'indépendance. Le gouverneur de l'Algérie française a donné les pleins pouvoirs aux militaires pour mater cette rébellion toujours plus forte. Tout le pays s'embrase, en particulier Alger, la capitale, où est établie la majorité du million de Français non musulmans, comme on dit alors, pour désigner ceux venus de l'Hexagone, puisqu'à cette époque-là, tout le monde est français. Les noms de ces militaires résonnent encore aujourd'hui. Massu, Bijard, Osarès, des noms pour toujours associés à la violence des armes, à la répression, à la torture. En 1957, alors que se déroule la bataille d'Alger, un capitaine de 34 ans arrive en Algérie. Il a choisi cette affectation pour y mener des opérations qui ne demandent ni de gros moyens, ni de déploiement de troupes. Il s'appelle Paul-Alain Léger et il mène une guerre souterraine, clandestine, une guerre secrète. En quelques mois, il infiltre le FLN, il en manipule les responsables et les conduit à mener des purges sanglantes dans leur propre rang. Autrement dit, l'ennemi se détruit lui-même. Un succès, une victoire militaire qui fait 4000 morts. La bleuite est une épidémie, le soupçon est le virus, et le capitaine Paul-Alain Léger, celui qui l'a inoculé. Nos invités aujourd'hui, le grand reporter Jean-Paul Marie, réalisateur du documentaire La bleuite, l'autre guerre d'Algérie, et Elie Tenenbaum, chercheur à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'histoire des insurrections et contre-insurrections. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Franck Cognard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 23 septembre 1958, à 200 km à l'est d'Alger. Selon le guide bleu, la référence des guides de tourisme de l'époque, la forêt d'Akfadou est la plus belle forêt de chênes verts d'Algérie. Mais en cette fin de septembre, ceux qui foulent le sol kabyle ne sont pas des promeneurs venus chercher un peu de fraîcheur sous les arbres. Non, ils sont en treillis, en armes, et appartiennent à des régiments français. Voilà 3 jours qu'ils arpentent la région. Quand il débouche sur l'une des bases arrières du colonel Amirouche, le chef de la Yilala 3, la 3e région militaire de l'armée de libération nationale algérienne. La forêt si touffue que même un hélicoptère, en la survolant, ne peut distinguer l'infirmerie, l'intendance et les installations qui s'y dissimulent. Dans le camp, aucun felaga, aucun combattant algérien, vivant en tout cas, comme le raconte sur place le journaliste de la RTF, Jean Lanzi. Ici France 5, émetteur d'Alger. Une opération déclenchée samedi dans la forêt d'Akfadou au nord de Tizi Ouzou par les unités de la zone est algérois a donné des résultats qu'on ne pouvait soupçonner. Voici le compte-rendu que nous en fait Jean Lanzi. Imaginez la surprise du soldat qui sent soudain son pied s'enfoncer dans la terre meuble des sous-bois et découvre au-dessous des corps meurtris, mutilés, des corps d'anciens soldats rebelles, 400 environ selon les premières estimations. Ce n'est pas en un charnier unique qu'il repose aujourd'hui, mais en plusieurs, grossièrement dissimulés, au fond des petits ravineaux si caractéristiques de la région, sous des branchages ou des pierres. Les corps de ces malheureux ont été affreusement mutilés. Certaines victimes ont d'ailleurs été marquées du signe de la Croix de Lorraine. Je vous fais grâce des détails. Le général Faure, qui dirige l'opération ce jour-là, évoque au micro de la radio française la brutalité d'Amirouche, dit Amirouche le Terrible, le loup de l'Akfadou, comme il est surnommé à l'état-major. L'officier français parle de purge, qu'il attribue aux dissensions au sein du FLN, dont une partie, selon lui, veut abandonner le combat. Mais si le FLN et l'ALN, son bras armé, se lancent dans ces règlements de compte massifs, ce n'est pas pour des divergences de vues sur la façon de conduire la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, non. C'est le résultat du travail de sape engagé par le capitaine Paul-Alain Léger. Voilà un an et demi que cet officier français est arrivé à Alger. Et voilà ce qu'il dit. Je ne retrouve plus l'atmosphère si particulière, la joie de vivre et la douceur infinie de ce bout d'Afrique. La Casbah, complètement isolée de la ville européenne, est devenue le repère inviolable des responsables du FLN. Le fossé entre les communautés ne cesse de se creuser dans le sang répandu par les attentats rebelles, auxquels succèdent les ratonnades irraisonnées de la population européenne. Lorsque Léger revient en Algérie en ce début 1957, il ne reconnaît pas le pays où il a vécu enfant, ni la ville où il a été déployé, jeune militaire des forces françaises libres en 1942. Pour autant, il ne regrette pas d'avoir quitté Paris. Sa grisaille, la Porte de Lilas, où sont installés les services secrets français, le SDEC, auquel il appartient désormais. Une petite poussée de nostalgie qu'il repousse bien vite. Et ses visages déterminés, martial, qu'il apparaît sur une photo prise dans une rue de la capitale, tenue léopard et béret rouge, défilant aux côtés du général Massu et du colonel Bijard. Léger a demandé son transfert à Alger parce que les renseignements venus d'Algérie, écrit-il, et des pays arabes, ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Voilà plusieurs mois, en effet, que les attaques et les attentats ne concernent plus seulement les régions des Aurès et de Kabylie. Depuis plusieurs mois, le FLN a décidé de porter le combat dans Alger. Yacef Saadi, responsable de la lutte armée du FLN algérois, assume des années plus tard, dans le documentaire d'Yves Boisset, la bataille d'Alger. J'étais parmi ceux qui ne voulaient pas faire d'Alger, à l'instar de Saigon en Indochine, une ville calme. Il fallait faire de l'action ici. C'est le plus important, c'était dans la ville. Tout simplement parce qu'un pétard en ville, ça équivaut à une embuscade normale qui... les ambassadeurs, l'administration, tout le monde était dans Alger, donc tout se sait ici. Le 30 septembre 1956, en fin d'après-midi, des bombes éclatent dans deux cafés du centre-ville, le Milk Bar et l'Automatique. Bilan, 4 morts et 52 blessés, parmi lesquels plusieurs enfants qu'il faut amputer. Dirigée par Yacef Saadi, la zone autonome d'Alger du FLN entre en action. Le mouvement recrute des chimistes pour fabriquer des bombes et des jeunes filles pour les poser dans les lieux publics. En décembre 56, on dénombre 96 attentats. Alors, le 7 janvier de l'année suivante, le gouverneur Robert Lacoste donne les pleins pouvoirs au général Massu pour ramener l'ordre. Massu, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, un homme abrupt, direct, même avec le général de Gaulle. On attribue d'ailleurs ce dialogue aux deux hommes... Alors Massu, toujours aussi con, lui demande de Gaulle. Toujours gaulliste, mon général. C'est donc à ce militaire forte tête et à l'esprit vif que les civils confient Alger. Enfin, confient, façon de parler. Massu est un baroudeur, pas une nourrice. Alors il entre dans la ville, proclame la loi martiale et ses 8000 paras commencent à quadriller la cité. Parmi les officiers du général Massu, un colonel, Marcel Bijard. Il n'aime pas ce travail de flic, comme il le dit dans le documentaire d'Yves Boisset. Donc les parachutistes ont reçu l'ordre de trouver cette rébellion. Alors, en liaison avec Massu, tous les colonels parachutistes, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé moi un travail de flic, que je n'aimais pas, parce que le parachutiste est fait pour se battre en plein jour ou en pleine nuit, mais pas faire le travail policier, c'est pas son rôle, ça. Au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret, la vieille Casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces de police fouillaient la ville arabe aux 1000 ruelles, maison par maison. D'importants stocks d'armes ont été saisis, une imprimerie clandestine découverte et près de 500 arrestations opérées. Parmi les suspects, on compte plusieurs chefs terroristes. Alger respire. Pour les pouvoirs français, il est vital d'agir vite et fort. C'est que le FLN a passé le message dans toute la ville. Le 28 janvier, grève générale insurrectionnelle de 8 jours. Assortie de cette menace, si vous n'interrompons pas votre travail pendant toute la durée demandée, l'armée de libération nationale se verra dans l'obligation de vous éliminer impitoyablement. Qu'elle soit européenne ou arabe, la population civile vit dans la terreur en ces premiers mois de 1957. Le FLN multiplie les attentats, les soldats, les exactions. arrestation arbitraire, exécution sommaire, torture doctrinaire. Des expressions surgissent. On parle des crevettes bijards pour ces cadavres d'Algériens aux pieds lestés de ciment que des hélicoptères balancent à la mer. Mais tout ça n'est pas du goût du capitaine Léger, qui n'est pourtant pas un pacifiste, loin de là. Léger, c'est un militaire, militaire de carrière, un homme de guerre dans l'âme. Le 11 novembre 1940, étudiant à Paris, il brave la consigne nazie et participe au rassemblement sous l'Arc de Triomphe. Son père, gaulliste, est recherché par les Allemands, alors il s'engage. Et il revient en Algérie, mais c'est trop tranquille pour lui. Alors il rejoint l'Angleterre, où il est formé aux missions commando. À plusieurs reprises, en France et aux Pays-Bas, il est parachuté derrière les lignes ennemies pour faire sauter les voies ferrées. À la fin de la guerre, plutôt que de caserner tranquillement dans les Pyrénées, il part en Indochine une première fois. Il écrit alors que la perspective de vivre de nouvelles aventures dans des pays lointains et chauds lui apparaît comme un sort paradisiaque, je cite ces mots. Puis c'est le Congo et l'Indo, à nouveau. En 1953, il est affecté sur l'île de Koulaoré. Là, raconte le journaliste Yves Courrière, dans le temps des colonels, cet individualiste est seul, ou presque. Il a sous ses ordres 300 paras vietnamiens, parmi lesquels beaucoup de Viet Minh prisonniers, puis retournés. Léger les prend en main. Il crée une équipe fantastique, des hommes avec qui on peut tout faire, tout risquer. Et il s'en donne à cœur joie. Il sait les méthodes des Viet, il en a dans ses rangs. Alors, vêtus de noir comme leurs adversaires, ils arrivent dans une région isolée, démontent les réseaux, brûlent les réserves. C'est Attila en Asie, l'aventure à l'état pur. Un tel talent ne peut pas rester dans l'armée conventionnelle, remarque-t-on Zdek, qui le recrute à son retour en France avant de l'envoyer 4 mois en stage perfectionner l'arabe, qu'il parle cela dit couramment depuis l'enfance, et le kabyle, qu'il comprend un peu. Et le voilà incorporé au bureau de liaison du Zdek. Bureau de liaison. Pour parler clair, c'est le service action où sévissent les gros bras des opérations clandestines. Paul-Alain Léger est, dit-on, un excellent manieur d'armes, un bon tireur, bref. Il sait faire le coup de poing, le coup de feu, mais simplement il croit qu'un peu de subtilité peut apporter de meilleurs résultats que la simple brutalité. Il guerroie au second degré, résume Yves Courrière. Dont acte. Dans son petit bureau de la préfecture d'Alger, en 57, Léger forme le GRE, le groupe d'exploitation et de renseignement. Son credo, rien de tangible ne pourra être obtenu sans le concours des musulmans. Ils seront donc à la base de son recrutement. Et c'est ce qu'il explique en 1987 à Patrice Gélinet pour France Culture. Il y avait un certain nombre de responsables du FLN qui avaient été arrêtés, qui ont été mis à ma disposition, avec lesquels j'ai discuté. Et je dois dire que leurs convictions n'étaient pas tellement profondes, puisque en très peu de temps, j'ai réussi à les retourner. J'ai proposé donc d'aller dans la Casbah, et c'est là, bien sûr, que j'avais dit, bon, ben, nous habillerons un petit peu comme les jeunes, tous les jeunes de la Casbah, c'est-à-dire avec des bleus de chauffe, ni plus ni moins. Quand j'ai proposé ça au colonel Godard, évidemment, il a un petit peu sauté en l'air, car il m'a dit, mais enfin, vous êtes fou, est-ce que vous êtes candidat au suicide ? J'ai profité, je dois dire que j'ai été un petit peu indiscipliné, j'ai profité d'une permission, d'un congé du colonel Godard pour mettre en pratique ce que j'avais proposé. Les bleus de chauffe, les bleus de travail, c'est de là que vient le nom de bleuite. La bleuite, donc, c'est une guerre secrète en 3 phases. Infiltration, manipulation, intoxication. Du grand Léger. L'infiltration tout d'abord. C'est donc cette première phase de recrutement d'anciens du FLN qui se révèle d'une redoutable efficacité. Les renseignements affluent, puis sont transmis aux paras de Bijard et Massu qui arrêtent et exécutent à tour de bras. Ce sont des mois de terreur. Parce que l'armée a brisé la grève du 28 janvier 57, le FLN, lui, intensifie sa campagne d'attentat. Le 10 février, à 5 minutes d'intervalle, 2 bombes éclatent dans 2 stades. 10 morts, 36 blessés. Massu et ses troupes répondent, 1200 arrestations et des centaines de personnes que l'on ne retrouvera jamais. S'en suivent quelques mois de calme, puis le cycle infernal reprend. En juin, des explosifs dissimulés dans des lampadaires tuent 7 personnes, dont 3 enfants, européens et musulmans, indifféremment. Massu et Bijard répliquent. Grâce aux renseignements fournis par les agents de Léger, le 24 septembre 57, Yassif Saadi, le chef du FLN à Alger, est arrêté. Le 8 octobre, son lieutenant Ali Lapointe se fait exploser lorsque les paroles encerclent. La bataille d'Alger est terminée. Fin d'histoire ? Non. Car les pouvoirs publics, civils et militaires, s'inquiètent maintenant d'une autre menace. Celle que fait peser le colonel Amirouche, Amirouche le loup. Depuis son fief de Kabylie, il a vu arriver par centaines des jeunes Algérois fuyant la répression française. La plupart sont des étudiants, des lycéens, poussés dans les bras du FLN par crainte des parades massues qui maltraitent et tirent sans trop de discernement. Amirouche veut frapper en ville. Alors il compte sur les quelques contacts qu'il a encore dans Alger. Des contacts sûrs. Enfin, c'est ce qu'il croit, ou plutôt ce que Léger veut lui faire croire. C'est désormais le temps de la manipulation. It's the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be. L'automne 1957, le FLN algérois a donc perdu ses chefs et ses troupes. Les sympathisants n'osent plus s'afficher. Les parents nus, Léopard, du général Massu et du colonel Bijard, tiennent la ville par la violence et la peur qu'ils inspirent. Du côté du gouvernement français, à Paris comme à Alger, bien on s'accommode de la torture après tout. Le calme est revenu et ils sont peu à la dénoncer. Citons tout de même, parmi ceux-là, le secrétaire général de la préfecture, Paul Tejen, qui démissionne, écrivant à son ministre qu'il a reconnu sur des détenus algériens les traces profondes de sévices ou de torture qu'il y a 14 ans, il subissait lui-même dans les caves de la Gestapo de Nancy. Le général de la Bollardière, lui, écope de 60 jours d'arrêt pour avoir condamné ces pratiques auprès de l'état-major. Elle lui rappelait trop les atrocités nazies contre les maquisards des Ardennes. Oh, bien sûr, la torture, les 1 700 000 soldats français déployés en 10 ans en Algérie ne la pratiquent pas tous. Mais tous en entendent parler. Comme en témoigne, des années après, un appelé du contingent, Maurice Mathéo Ruiz, dans le documentaire de Bernard Favre, Les Tricheurs. Vous savez, ce sont des méthodes assez lamentables. D'abord, on commence par déshabiller le gars, pour l'humilier. Ensuite, y a toujours quelques sadiques qui sont volontaires pour donner quelques coups de poing, quelques gifles, quelques coups de pied. Bon, et puis après, dans certains cas limites, mais là, il y avait utilisation de gène, quoi. Ça, c'est... C'est-à-dire que vous l'avez vu vous... Ah, je l'ai vu, oui. Mais vous savez, il n'y a que les gens qui ne veulent pas... qui sont de mauvaise foi, qui vous disent qu'on n'a pas torturé en Algérie. Le capitaine Léger goûte peu la gégène, les tapassages, pas son truc. Non, il est plus adepte des coups tordus, qu'il ne fait pas d'ailleurs qu'imaginer diriger depuis son bureau. Il accompagne ses hommes sur le terrain, on l'a dit. Léger parle arabe, il est plutôt mat de peau, et le visage dissimulé par la capuche de djellaba, il est un Algérien comme les autres. Son attitude, son comportement, c'est aussi ce qui a fait la solidité de son réseau et de son succès. L'officier français enrôle et enjôle, il sait jouer sur des ressorts intimes et profonds pour que d'anciens rebelles lui soient dévoués. Par exemple, Auriel Labrune. Pour qu'elle trahisse, il s'appuie sur le dégoût qu'elle a ressenti devant les victimes civiles, les personnes âgées, les femmes, les enfants, les attentats aveugles du FLN. Et puis, Léger en impose à tout le monde. Auriel en témoigne dans le documentaire de Jean-Paul Marie, L'autre guerre d'Algérie. Léger, il guidait bien son monde. Il avait un groupe à lui qui menait, pas la baguette, mais correctement, autoritaire. Tous étaient des hommes, mais à côté de Léger, c'était autre chose, Léger. Même quand il marche, tu sens que c'est quelqu'un d'un combattant. Voilà, je trouvais le pas de mot, d'un combattant, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il a. Oui, Léger arrive à faire faire n'importe quoi à celles et ceux qu'il commande. Quand en octobre 57, Ouria lance une grenade sur une place du Clos Salambier, un quartier des hauteurs d'Alger, c'est sur ordre de Léger. Peu importe que l'explosion ne touche personne et ne détruise rien, c'est même tout à fait volontaire, car telle est la stratégie de l'officier qui vise maintenant une autre cible. Amirouche le Loup, le chef algérien retranché dans son fief de Kabylie, avec ses centaines d'hommes. Léger veut le rassurer. Alors, pour l'amener à se découvrir, il lui fait croire qu'il reste dans Alger des rescapés des rafles parachutistes. Léger franchit un nouveau cap dans la manipulation. Et ça marche. Amirouche y croit. Il ne sait pas que le FLN à Alger, c'est désormais Léger. Que les armes qu'il envoie atterrissent dans la cave de la villa discrète où est installé Léger. Que les messages qu'il fait passer par coursier finissent sur le bureau de Léger. Comme celui-ci, envoyé en décembre 57. Chers frères, je vous écris au sujet du travail. Vous avez de la marchandise. C'est pour cela que les frères vous donnent l'ordre formel de travailler à fond, avec toute la marchandise dont vous disposez, dans les prochains jours. Recevez le bonjour de tous les frères de combat. Bien fraternellement. Amirouche s'impatiente. Il veut qu'Alger s'embrase à nouveau, que les musulmans espèrent, que les Européens désespèrent, que le FLN existe encore au grand jour et avec force. Et puisqu'Amirouche veut des attentats, eh bien, Léger va lui en donner. Le 9 janvier 58, alors que 96 jours viennent de s'écouler sans attentat, justement, Léger lance lui-même une grenade dans son PC. Deux jours plus tard, l'adjoint du capitaine fait sauter sa propre Jeep. Quelques jours après, même scénario, cette fois avec un camion militaire. Léger fait placer un cadavre non loin du lieu de l'explosion pour plus de réalisme. Les journaux algérois évoquent à peine ses actions. Mais depuis Alger, on rassure, Amirouche, si les journaux colonialistes n'en parlent pas, c'est parce qu'ils sont aux ordres et qu'il faut cacher la vérité au peuple. Léger a infiltré, il a manipulé et maintenant, il va intoxiquer. Fournir de fausses informations à Amirouche. Le 25 janvier, on rapporte à l'officier l'arrestation à Borj Menayel, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alger, de Zora Tadjer. Oh, c'est une bien modeste sympathisante de la cause, interpellée lors d'un contrôle banal, et tout aussi banalement, un peu par routine, et histoire de voir si Zora peut travailler pour lui. Paul à la Léger se rend sur place et discute avec celle qu'il décrit comme une belle plante. Il lui propose de la recruter. Elle est enthousiaste. Zora accepte, vite, trop vite, sans doute, de changer de camp. Alors, Léger se méfie et décide de changer de plan. Il embarque la jeune femme dans sa voiture et lentement traverse le marché de Borj Menayel au milieu de la foule et du bétail famélique que les paysans espèrent vendre. Dans les ruelles, Léger en est convaincu. Des espions du FLN font vite faire courir le bruit que Zora travaille avec les Français. Satisfait, l'officier fait signe à son chauffeur de regagner Alger. Je l'ai ramenée sur Alger, donc, j'ai discuté un petit peu avec elle, et là, alors, pour faire semblant de la convaincre, je lui ai montré toutes les lettres que j'avais reçues de la Vilaya. Et je lui ai lu des passages imaginaires. Mais par contre, ce que je lui ai montré, ce sont les signatures, avec les tampons. Et alors évidemment, je l'ai vue, elle a pâli, etc. Hein, et à ce moment-là, le téléphone a sonné, le téléphone n'était pas sur mon bureau, il se trouvait un petit peu dans un couloir, et par l'interstice de la porte, j'ai parfaitement vu la fille qui se levait et qui regardait encore les signatures. Hein, et bon, bah, je suis revenu. Et là, bon, je lui ai dit, alors bon, tu vois les signatures, oui, bien d'accord, oui, mais je marche, je travaille avec vous, etc. Je lui ai dit, bon, bah, tu vas retourner chez toi, chez ta mère, hein, et puis ma foi, bon, pour l'instant, je te demande rien, mais de temps en temps, tu me téléphones. Zora téléphone une fois au capitaine, puis plus rien pendant 10 jours. Léger envoie alors son adjoint chez la mère de l'Algérienne qui répond que sa fille est sortie. En fait de sortie, Zora est montée au maquis, où elle est arrêtée par Hassan Mayouz, un chef de ce secteur de la Wilaya 3, un subordonné du colonel Amirouche. Souvenez-vous, elle a été vue au marché, sur le siège arrière de la voiture du capitaine Léger. C'est donc une espionne, une traîtresse. Quelque temps plus tard, le capitaine français récupère le compte-rendu d'interrogatoire de la jeune femme. Et ce qu'il raconte à Patrice Gélineur en 1987 est glaçant. On a eu les nouvelles quelque temps après, lorsqu'on a appris que là, elle était tombée sur le fameux capitaine Mayouz, dit Hassène la torture, et lui a dit, écoute, tu m'accuses d'être une espionne, mais alors des espions, autour de toi, il y en a en pagaille. Et elle s'est mise à raconter, évidemment, tout ce qui s'était passé dans mon bureau. Mayouz, qui n'était pas très intelligent, a voulu en savoir beaucoup plus, et pour en savoir plus, ben, il n'y avait qu'une seule chose, il fallait la passer à l'hélicoptère. C'est-à-dire que la pauvre fille a été mise complètement nue, les mains et les chevilles entravées dans le dos, suspendues au-dessus d'un brasero, et on la faisait tourner naturellement sous la douleur. Elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus, des mots de reconnaissance invraisemblables, mais elle a même donné des noms de gens de sa famille qui habitaient en Kabylie. Bon, ces gens-là ont été arrêtés. On les a torturés. Ils ont dénoncé des gens qui n'étaient strictement pour rien, mais en général des cadres supérieurs, des gens. Bon. Et là, ça a commencé comme ça. Les souffrances de Zora prennent fin quand son bourreau l'égorge. Mais une vague de souffrances encore plus grande, encore plus destructrice, va déferler sur la Wilaya 3. C'est un cercle vicieux. Zora a balancé n'importe qui. Alors, n'importe qui est torturé et balance à son tour n'importe qui. Un nouveau supplicié génère de futurs suppliciés. Premiers aveux en main, Mayouz envoie un rapport à Amirouche. C'est clair, il est entouré d'espions. Il est en sévir de couper les membres pourris et gangrenés. Le loup de Lac Fatou lance alors une opération d'épuration terrifiante. Jusque-là respecté de ses soldats dont il ne rechigne jamais à partager les corvées, cet homme de 32 ans vire paranoïaque. Alimentée par Mayouz, la folie purificatrice d'Amirouche se déchaîne particulièrement contre ceux qu'il appelle avec mépris les intellectuels, autrement dit, les étudiants, les collégiens, les médecins, les enseignants, tous ces Algérois qui ont rejoint le maquis au cours de l'année passée. Parmi eux, Rami Madawi, interrogé des années plus tard par le journaliste Jean-Paul Marie. C'était au mois de mars, le 19 mars, donc je rentrais à mon PC. Et au moment où je suis rentré dans la casemate, j'ai déposé ma mitraillette. Donc deux personnes me sont sautées dessus, m'ont mis par terre et m'ont ligoté. Sans savoir pour absolument aucune raison. Et on m'a emmené et je me suis retrouvé dans un centre de torture dirigé par le fameux Hassan Mayouz la torture. Sous la torture de Mayouz, personne ne tenait 24-48 heures. Comment j'ai tenu 2 semaines, comment, je n'en sais rien. Donc on devient une loque, quoi, pratiquement. Dans ses mémoires, Léger ne paraît pas affecté par ce qu'il a déclenché. Il note même avec un certain détachement que la torture de l'hélicoptère se révéla, je cite ces mots, un procédé extraordinaire apte à délier les langues des plus récalcitrants. Il fanfaronne presque d'avoir joué un bon tour à Mayouze et à Mirouche. En cette fin de février 1958, sans en mesurer la portée réelle, j'avais introduit au maquis un virus particulièrement redoutable. Sa nocivité se révéla par la suite sous la forme d'une épidémie meurtrière connue sous le vocable de bleuite. L'année précédente, en choisissant de vêtir mes hommes de bleu de travail, il ne m'était pas venu à l'esprit que de la couleur de l'étoffe dériverait le nom d'une grave maladie. Le 3 août 58, Amirouche écrit aux autres commandants des wilayas, c'est une circulaire longue, pompeuse et ampoulée, dûment tamponnée et cachetée, le FLN a un goût particulier pour la paperasserie. Chers frères, j'ai le devoir et l'honneur de vous informer de la découverte en notre wilaya d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois par les services secrets français contre la révolution algérienne, avec la complicité d'éléments les plus divers. Le réseau tissé dans notre wilaya vient d'être pratiquement mis hors d'état de nuire après une enquête d'autant plus ardue que ses chefs dans le maquis étaient des hommes en apparence au-dessus de tout soupçon. La plupart de ces chefs ont été arrêtés et ont passé des aveux qui nous permettent de vous communiquer les renseignements suivants. Suivent trois pages de logoré avec des petits 1, petit 2, petit 1, petit B. Mais derrière cette circulaire, derrière les mots froids couchés sur le papier, il y a les cadavres de combattants FLN torturés. Il y a des charniers, des parents qui ne reverront jamais leur fils parti combattre les Français, mais tués par leurs propres compagnons de lutte armée. Et c'est un massacre. Les estimations des historiens varient. Elles évoquent entre 2000 et 7000 morts. Quand on lui demande de quantifier les dégâts causés par l'épidémie qu'il a lancée, Léger parle de 4000 tués. 4000 hommes et femmes instruits pour la plupart, que la purge du FLN soustrait à une Algérie qui, devenue indépendante, manquera de cadres, d'intellectuels, d'ingénieurs. Un gâchis terrible, qui des années après serre encore la gorge de Rami Madaoui, ce jeune homme qui a survécu à la scène de la torture. La bleuite, du point de vue militaire, ça a été une réussite extraordinaire du côté français. Par contre, pour l'Algérie, ça a été absolument un désastre. Le dégât ou les conséquences de la bleuite, c'est qu'elle a été la raison ou la source de l'extermination de toute une jeunesse algérienne éduquée qui aurait été l'avenir de l'Algérie. C'est un gâchis. Si ça n'avait pas fini tel que ça l'a été, quel pays ce serait aujourd'hui ? La bleuite, aujourd'hui encore, est étudiée, enseignée, analysée, tout comme la doctrine française de contre-insurrection. Doctrine qui, pourtant, n'a pas fonctionné, ni en Indochine, ni en Algérie pour les Français, ni plus tard, d'ailleurs, en Afghanistan et en Irak pour les Américains. La France a perdu cette guerre, rappelons-le, donc le FLN a gagné. Drôle de paradoxe que d'ériger en modèle une opération qui n'a finalement pas pesé sur l'issue de la guerre et qui tient en une maxime cynique du capitaine Léger. Si l'ennemi a des dispositions particulières pour se détruire lui-même, bien coupable serait celui qui n'en profiterait pas. They went down to the river, found a riverbed dry. He down in the valley where the hummingbird cried. They went down to the shoreline. One time for the brave. Ooh, we'll be judged. of love. Who will be there? Who will be there? Who will be safe? Who will be safe? Who will be there? Who will be there? France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bleuite, l'épidémie du soupçon dont nous allons parler avec nos invités. Jean-Paul Marie, déjà cité dans le récit, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter et vous avez réalisé en 2018 le documentaire La bleuite, l'autre guerre d'Algérie. Et vous avez publié cette année chez Buchet-Chastel, Oublier la nuit. C'est un récit de souvenirs personnels et de reportages, traversés par la violence des hommes. Un livre pour lequel vous avez reçu le prix Transfuge du meilleur essai, bravo. Élie Tannenbaum, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'Institut français de relations internationales et vous êtes spécialiste de l'histoire des insurrections et contre-insurrections. Vous avez notamment publié l'an dernier La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXe siècle chez Robert Laffont. Un livre qui a été couronné par le prix du meilleur livre géopolitique en 2021. Bravo également. Bien, alors dans les récits que nous venons de faire, nous avons entendu deux extraits de votre documentaire, Jean-Paul Marie, le seul consacré à la bleuite. D'où ma question, comment vous est venue l'idée de vous intéresser à cet épisode de la guerre d'Algérie? D'abord parce que quand j'étais en Algérie, j'ai travaillé en Algérie pendant la décennie noire de 91 à un peu plus de 2000. La guerre civile, oui. La guerre civile, qui a été atroce. Absolument. Et le nom, parfois, à deux, trois reprises, est apparu comme quelque chose de très mystérieux. Alors j'ai posé des questions et je n'ai pas eu de réponse. Quoi, la bleuite? Oui, c'est mystérieux. Léger. Ah, léger, pardon. Oui, léger, bon, pas la bleuite, léger. Ça ressemble à un coup de léger, de qui, etc. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose et là j'ai trouvé que c'était totalement tabou. Alors évidemment ça a excité ma curiosité, bon, je n'ai pas fait que ça, mais plus le temps passait, plus j'amassais des renseignements, des informations, et puis évidemment à un moment donné je me suis mis à fouiller l'histoire, j'en ai fait un article dans le Nouvel Observateur pour les 50 ans d'Algérie, etc. Et puis, c'est une histoire tellement, au sens propre du terme, extraordinaire, que j'ai continué à travailler. Donc, si vous voulez, et plus j'avançais, et plus je sentais les résistances, aussi bien côté algérien que côté français. C'est ça qui est intéressant, c'est côté français aussi. Bien sûr, et on va y revenir. Et surtout. On va y revenir. Et pourquoi cette histoire n'est pas plus connue? Bon, elle est connue de tous ceux qui ont vu votre documentaire, de tous ceux qui écoutent Affaires Sensibles, et ça fait du monde. Mais elle n'est pas si connue que ça. Parce qu'elle embarrasse tout le monde. Elle embarrasse tout le monde. Alors, c'est pas très agréable pour le gouvernement algérien de dire que le grand héros, le colonel Ami Rouche, à qui on a donné le nom de rue, etc., s'est fait quand même berner d'une façon épouvantable. Oui. Que le fameux Aïssen Mayouz, Arsène de la Torture, qui a donné son nom à une école d'apprentissage, etc., sur le fronton, etc., était un horrible tortionnaire et pas très malin. C'est pas très intéressant. Enfin, alors là, ils sont très embarrassés en France parce que ça a quand même fait beaucoup de dégâts. Alors, on va pas non plus raconter comment on a fait auto-massacrer 4000 personnes parmi les meilleurs et les patriotes les plus importants, enfin les gens très courageux. Rémi Madoui le dit, c'est son cousin germain, enfin avec qui il a vécu, etc. Donc si vous voulez, ça embarrasse tout le monde et puis ça rentre alors d'une part dans le grand mensonge de l'après-guerre d'Algérie où l'histoire algérienne a les bornes pour ceux qui la vivent aujourd'hui en Algérie parce qu'on ne dit pas tout. Il y a un discours spécifique à cette guerre, justement. Oui, il y a un discours dogmatique. Et puis, côté français, il y a un embarras, il y a une honte. Okay. Écoutez, oui, bon, on a fait ça, mais bon, pas trop, etc. Vous voulez intervenir, Littenbaum? Oui, c'est ce point. Du côté français, effectivement, il y a le côté coup tordu. On est clairement en dehors du cadre du droit des conflits dans ce type d'opérations qui sont d'ailleurs qualifiées de perfidie dans le droit de la guerre. Mais du côté algérien, la manière dont cette histoire, qui est un peu plus connue en Algérie qu'en France, est racontée, elle est aussi racontée avec une forte diabolisation de Léger, qui est vue comme une forme de Deus ex machina, qui manipule, et parfois un petit peu comme une manière d'exonérer justement ou de passer sous silence la responsabilité des cadres et des chefs FLN et leur implication dans cette torture, la responsabilité d'Amir Rouge. Souvent quand on raconte l'histoire de la Bleuite, on dit bah, Amir Rouge s'est fait berner. C'est vrai, et en même temps il y a aussi cette responsabilité avec la question des purges internes du FLN qui dépasse largement la question de la seule Bleuite et qui pour le coup est un véritable tabou en Algérie. Élie Tannenbaum, je reviens à vous juste après. Jean-Paul Marie, la personnalité de Léger, c'est quoi? C'est très dominant et prédominant. Alors, bon, on va du plus simple au plus compliqué. Oui. C'est un patriote au départ, hein. Il a manifesté contre les nazis, etc. Donc c'est un vrai patriote. Et puis, il s'est battu très jeune, entre 40 et 45. Il a fait il a été parachuté en terre occupée, quand même. Oui, Oui, vous l'avez dit. Et ça demande beaucoup de courage. Donc, déjà, c'est un patriote. Je pense que c'est un homme blessé aussi, parce qu'en Indochine, il a vécu des choses très dures. Il a perdu des amis. Un jour, en sortant d'une maison, il a posé le pied sur un cadavre. Enfin, je vous passe les détails d'un ami à lui. Il a vu aussi comment la France s'était fait battre en Indochine par des petits hommes verts, comme ça, qui utilisaient des méthodes que eux ne connaissaient pas. Donc, il a toujours pensé, si vous voulez, il le dira en Algérie, on va pas sur un attentat terroriste avec un camion plein de conscrits, ça ne sert à rien, on prend pas un marteau pour écraser une mouche. Donc il a appris tout ça, c'est un homme blessé, c'est un homme qui a beaucoup réfléchi, c'est un homme martial, c'est-à-dire que vous dites vous avez dit qu'il était martial, mais il était tout le temps, il suffisait qu'il arrive quelque part et tout le monde, il y avait une simplicité et en même temps une détermination absolue, et il savait très bien ce qu'il voulait faire. Alors c'est un homme extrêmement, alors il est cultivé, mais c'est un homme extrêmement intelligent, parce qu'il avait en tête tous les profils des 600-700 personnes qui travaillaient plus ou moins pour lui, indicateurs, et savaient exactement qui était qui. Il faut avoir une intelligence hors du commun, pour sans ordinateur, sans rien. Et donc, il savait ce qu'il fallait faire pour l'un et pour l'autre, vous voyez, 600-700 personnes à gérer. Et puis c'est quelqu'un qui a le trait dominant, il est extraordinairement psychologue. Quand Rosa, par exemple, Rosa vient le voir, etc. Enfin, qui voit Rosa, et dans les 30 secondes, il a compris qu'elle lui raconte des craques, et il va l'utiliser. Et c'est un homme qui savait retourner quelqu'un, parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire, où il fallait frapper, ce qu'il fallait lui dire. Il a fait des choses inouïes. Et alors, dernier détail, mais qui est quand même très important. Alors bon, c'est pas un enfant de cœur, mais il n'était pas amateur de torture. Hein. Oui, on l'a dit aussi. C'est brutal. C'est pas sa méthode. Alors bon, t'entends une paire de gifles, il était pas contre, mais il faut pas exagérer. Est-ce qu'il a un côté hableur? Non. J'ai réussi ça, vous avez vu? Non. Il a une façon. Alors, quand il raconte ça des années après, on sent quand même une espèce de quasi-jouissance, l'affaire qui a bien marché. Mais il prend des risques sans arrêt, il se met en danger, il met en danger son opération, et il tente, et il dit, ben tiens, j'ai eu de la chance que ça marche. Mais c'est quelqu'un qui a... Et c'est ça, c'est intéressant, c'est qu'il a un esprit extrêmement complexe, hein, complexe, très compliqué. Il sait très bien ce qu'il doit faire, etc. Et il a toujours des solutions simples. Un exemple, un seul, la première opération dans la Casbah quand Godard est en vacances, parce que Godard lui dit, vous êtes fou mon garçon, vous êtes fou. Enfin, la Casbah est tenue par le FLN d'une façon absolument étanche et hermétique. Il va dans un café avec 5 ou 6 bleus, et dans le café, évidemment, le FLN interdit les dominos, l'alcool, les cigarettes et la musique. Donc tout le monde, c'est très austère. Et lui, il arrive, et il envoie un ancien du FLN vers le bar, vers le patron, en disant, tiens, tu pourrais nous mettre un peu de musique. L'autre lui dit, mais enfin, c'est interdit. Mais interdit par qui? Interdit par le front. Tout de suite, l'ancien du FLN lui met une magnifique paire de baffes, et du coup, on met la musique à fond, on sort les dominos, on se met à fumer. Qu'est-ce qui se passe avec cette opération qui paraît ridicule? Eh bien, l'aura du FLN s'effondre dans la Casbah, et tout le monde se met à mettre des dominos, etc. Comment, avec une opération simplissime, il a fait tout exploser? Élie Tannenbaum, on va écouter Louise Attaque, Sortir de l'ordinaire, et ensuite je vous donne la parole pour la deuxième partie de l'interview. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Les hommes sont pressés, les hommes sont sincères. Certains ont de l'espace, si on a d'autres qui se servent. Certains sont amoureux, d'autres si solitaires. Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre. Il y a les partisans, il y a les réfractaires. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Certains sont délicieux, d'autres de vrais bulldozers. Certains sont silencieux, d'autres de vrais commères. Certains sont avec eux-mêmes, heureux et se tolèrent. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Des élégants quand d'autres font des commentaires. Il y a ceux qui sont entiers, les autres sur les nerfs. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. France Inter. Affaires sensibles. Elie Tenenbaum, avant de reparler de la bleuite, on va faire un peu de sémantique, si vous voulez bien. Qu'appelle-t-on la guerre contre-insurrectionnelle? Moi, je connaissais comme beaucoup de monde, surtout la guerre contre-révolutionnaire. Là, je dis bien contre-insurrectionnelle. Le terme de contre-insurrection n'est pas employé par les Français à l'époque en Algérie. Ils parlent effectivement de guerre révolutionnaire pour désigner la manière dont, d'abord, ils ont perçu la guerre du Viet Minh, que le Viet Minh conduisait en Indochine, et qu'ils vont essayer de plaquer en Algérie, puisque on a parlé de profils comme le capitaine Léger. Une large partie du corps des officiers de l'armée française en Algérie est passée par l'Indochine et est très marquée par cette expérience. Et on voit d'ailleurs des transferts d'expérience d'un théâtre à l'autre. Et donc c'est le terme de guerre révolutionnaire qui est employé. Par la suite, même si contre-insurrection existe à quelques endroits dans la littérature, c'est surtout les Américains qui, à l'époque de Kennedy, vont parler de counter-insurgency pour désigner ce type de conflit, et c'est-à-dire l'ensemble des stratégies qui peuvent être mises, déployées pour lutter contre ce qu'on appelle donc une insurrection, c'est-à-dire non pas simplement une structure clandestine ou une rébellion populaire, mais un petit peu des deux, et c'est le FLN en Algérie, c'est-à-dire à la fois un soulèvement, une guérilla et une infrastructure politique. Et pour lutter contre ça, eh bien la contre-guérilla classique, telle qu'elle pouvait être menée depuis l'époque coloniale, ne suffit pas. Et donc la contre-insurrection, c'est un petit peu la mise en place de tout un tas de stratégies, à la fois la contre-guérilla, mais aussi du renseignement, comme on le voit ici, avec des opérations de renseignement, d'intoxication, d'infiltration, etc. Et surtout, des actions sur les populations, visant à contrôler les populations, éventuellement à développer une alternative politique, sociale, économique. Sur les populations, on n'en a pas parlé trop dans ce cas-là, mais c'est le déploiement de cette stratégie intégrale, finalement, qu'on appelle contre-insurrection. Et quelle place occupe dans ce genre de stratégie la guerre dite psychologique, pour le coup? La guerre psychologique, elle a plusieurs facettes. Elle a une facette sur la population. Les Français en Algérie appellent ça action psychologique. Il s'agit de vendre, finalement, une alternative politique aux populations, leur montrer que le FLN se trompe et que la proposition de la République française, finalement, vis-à-vis de la population algérienne, notamment des musulmans d'Algérie, est quelque chose de positif. Alors, des fois, avec du bourrage de crâne, avec de la propagande, avec tous les aspects que l'on connaît. Et puis ensuite, il y a la guerre psychologique au sens un peu plus strict, qui vise à embrouiller l'adversaire, à peser sur sa perception des choses, à le faire douter de ses propres forces, essayer de peser sur ses perceptions. Et là, dans cette guerre psychologique contre l'adversaire, contre l'organisation adverse, on est plus sur la population, eh bien, vous avez l'intoxication qui est l'un des outils, qui cherche à lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et moi, alors ça nous renvoie plutôt à des guerres comme peuvent en mener la DGSE aujourd'hui, la CIA ou le Mossad, ça plutôt. Absolument. Hein, là, on est rentré dans des opérations de renseignement qui sont assez proches de ce qu'on connaît à cette époque même dans le champ de la guerre froide, hein, effectivement, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et la Bleu 8 est une guerre psychologique contre insurrectionnelle, à votre avis? Oui, c'est une opération d'intoxication qui rentre dans le cadre d'une campagne beaucoup plus large de contre-insurrection, et c'est un tout petit aspect, encore une fois, de la campagne contre-révolutionnaire ou contre-insurrectionnelle française en Algérie. C'est un petit aspect, mais qui a eu des résultats dévastateurs. D'abord, ils ont commencé par nettoyer la ville d'Alger. Il n'y a pas eu d'attentat pendant 2 ou 3 ans. Mmh. Et puis ensuite, ils ont démoli le maquis de d'Amirouche. Mais il y a une chose qui est quand même extraordinaire, et je crois qu'on peut... C'est vrai qu'il y a une grande campagne de psychologie, mais lui, il est tout seul, il fait son opération tout seul. Et si vous voulez, quand on... Moi, j'ai travaillé des mois là-dessus, sur ce sujet. J'ai écouté les acteurs, etc. On n'y croit pas. On n'arrive pas. On ne parvient pas à y croire tellement c'est complètement démentiel. C'est pas une fiction avec des satellites, des radars, etc. Ça vient d'un cerveau humain et ça joue sur la psychologie. Les effets sont dévastateurs. D'abord, on n'y croit pas parce que Léger n'a jamais été trahi par les centaines de bonhommes qu'il a retournés. Jamais. Et ensuite, les effets eux-mêmes sont tellement dévastateurs. D'ailleurs, c'est la classe intellectuelle algérienne, parce que c'est elle qu'on avait appelée au maquis, parce que le maquis avait besoin d'intellectuels, parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas lire et écrire. Et c'est cette classe-là que Amirouche et Alessandre de la Torture ont complètement dévasté. Décapité. Et quand vous voyez la façon dont ça a été fait, cet extraordinaire polar, vous n'arrivez pas à y croire. Un exemple, à un moment donné, quand même, Amirouche envoie une lettre à Léger qui lui explique que désormais, lui, enfin son organisation, est maître et responsable de toute la ville d'Alger. Le chef de la ville d'Alger devient le capitaine, pour du FLN, devient le capitaine Alain Léger. Bah oui, exactement. Et alors, Lieutenant Baum, c'est Yves Fourrière, le journaliste, qui dit à propos de Léger, et la formule est assez habile, il guerroie au second degré. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. C'est l'idée, encore une fois, de retourner l'organisation combattante contre elle-même. Et ça, c'est la dimension intoxication de l'opération. Encore une fois, la partie bataille d'Alger, initialement, les bleus de chauffe, sont une action d'infiltration et de renseignement. Et ça, on le trouve de manière un petit peu plus classique dans les opérations contre insurrection. La spécificité de la bleuite, ou son caractère un petit peu... particulièrement original, c'est la dimension intoxication. Intoxication, d'ailleurs, dont Léger n'avait pas mesuré toutes les implications. Au moment où il retourne Zora, il se dit, on va bien voir ce que ça va faire, on va semer la zizanie, et il n'avait pas du tout en tête l'idée que ça allait finalement neutraliser là où il a Y3 dans sa quasi... Il y avait un peu de réussite quoi, au passage. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on en a parlé, c'est un instinctif. Hein, mais il n'est jamais dépassé, jamais. Dès qu'il voit un effet, il le suit et il le pousse. Il pousse sa chance. Ouais. Et quelle trace il a laissé dans la culture militaire française, Léger, qui peut répondre? Encore une fois, on est vraiment en marge de la culture traditionnelle, classique, du combat conventionnel. C'est une figure de héros quand même, chez les militaires. C'est un mythe. C'est plus un mythe dans les services de renseignement. Et en Algérie. Quand vous prononcez le nom de Léger en Algérie, un ange passe ou un démon. Un diable passe, quoi. Ouais. Beaucoup plus qu'en France, encore une fois, lié aussi à la manière dont toute cette violence interne au FLN que révèle la question la brutalité interne au FLN permet d'être expliquée à travers un acteur extérieur qui serait Léger. Et juste, non, c'est un fini. Autre élément, vite, la paranoïa d'hier et d'aujourd'hui du gouvernement algérien et des milieux algériens vient aussi essentiellement de l'affaire de Capitaine Léger. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler. C'était le mot de la fin. Jean-Paul Marie, Élie Tenenbaum, merci infiniment, messieurs. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Bleuite en Algérie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.